Allô, allô, allô! Bonjour et bienvenue à Deux Films le Matin, votre podcast coquin et la seule et unique radio poubelle homosexuelle de gauche! Bonjour! Parlant de poubelle homosexuelle, je m'appelle Charlie Morin et spoiler alert, tout le monde dans ce podcast aujourd'hui est plus famous que Van Gogh de son vivant si on suit à notre following Instagram. Van Gogh avait combien de followers? Van Gogh n'a jamais été connu de son vivant. Bon, voilà. Il a fallu qu'il meure pour que ses œuvres soient genre retrouvées dans une grange. Puis en tout cas, c'est mon petit cours d'histoire de l'heure à matin. Allô, Jess! Bonjour! Alors, toujours dans l'ordre du rose, moi, c'est Jess PVM, grande bipolaire, concierge, sobre. My God, c'est un miracle que j'avais pas relapse depuis le début de la pandémie, aussi. Bitch, avec... yes. Tout le monde fait juste parler de son day drinking, si je suis plus capable. Ouais. Et comme tout le monde, je pense, pendant la pandémie, j'ai pris des belles courbes partout sur mon corps, très rapidement pendant la pandémie. Alors, je vais partir un nouveau réseau social. Ça va s'appeler Insta Kilogram. Et c'est pour les nouvelles moon-totunes de la pandémie. On va bander ensemble sur ce réseau social-là. Je vous invite à... Voilà. Peut-être que Van Gogh va venir nous rejoindre puis qu'il va en faire partir un following. Was she curvilicious? Asking for a friend. Non, je sais pas s'il était. Ben, pendant la pandémie, il a sûrement pris du poids lui aussi. Là. Bon, tu vois. Sinon, comment ça va, Jess? Ah, oh, ça va mal. Oh my God, ça va mal. Tu sais, quand on pense que ça peut pas descendre plus bas, ça peut pas aller moins. Ça peut... Hey, hein, toujours... La pandémie est en train de finir. François Legault est un héros dans les yeux du Québec. Là. Qu'est-ce qui se passe à ce style-là? Il y a le rock bottom. T'es comme avec tabarnak, il y en a combien tout seul? Là? Danny Turcotte a crissé son camp, tout le monde en parle. Ils nous ont même pas invités. On peut-tu prendre l'ascenseur direct pour le magma, là, t'sais, dans le fond, là, juste pour être rendu calice. Moi, j'en peux plus de cette descente lente. Là. Moi, faites-moi ça rapidement. Là. Anyways. Oh my God, oh my God, oh my God. Là, c'est-tu le premier épisode de la saison? Qu'est-ce qui se passe? Je suis confuse. Je suis confuse aussi. Est-ce qu'on commence-tu? On en a-tu plein d'autres? Notre plein d'autres de line-up, puis ah ouais, la saison drop tôt. On le savait même pas qu'on revenait. On savait même pas qu'on venait. On le savait même pas qu'on revenait. Moi, j'ai quand même l'intuition que c'est juste un épisode spécial pour le fun, pour se gâter, pour gâter les moons, puis qu'on va commencer pour vrai en septembre. Ouais, la saison va commencer plus tard. Peut-être qu'on va faire des affaires cet été. Oh! Peut-être, on sait pas. On sait pas. Ça va dépendre parce que ça va dépendre. Il va-tu avoir une quatrième vague? On va-tu être capable de frencher? J'ai-tu acheté un paquet de condoms pour rien? Je sais pas. Ah. Fait que c'est un spécial All-Stars. Et nous autres aussi, on est capable de faire des All-Stars. Puis ça, vous allez voir, on va être tiré à la sauce. Oui. Là, c'est un podcast, vous ne le voyez pas. Là, mais on va faire revenir du monde. Il va y avoir des splits. Là, ça va revenir avec des lèvres grosses qui vont remplir l'écran du Zoom au complet. Genre, c'est l'enfer. Puis les invités, à la fin de l'épisode, vont devoir choisir quel invité on ne peut plus jamais ramener. Puis, en tout cas, il y a tout un concept qui s'en vient avec ça. Vous allez voir, c'est vraiment élevé. Fait que c'est un spécial All-Stars, mais là, qui sont nos All-Stars? J'ai l'impression de présenter le lip-sync assassin à la fin de l'épisode. Sacrement. Je me sens comme RuPaul. Il me manque juste un baril de pétrole, puis on est in-house. tabarnak, on est avec l'épisode number one, toute saison confondue. On est avec nos deux fan favorites of all time, for sure. Ouais, c'est ça. On est avec The Gods! Pew! On est avec Everyone's Unofficial Auntie, reine du Canada, reine de Montréal et gagnante de Drag Race saison 3. Oh my God! That was very well fact-checked. C'était vraiment, c'était très, très, très accurate. Merci, hi, hello! Yeah. Au moment où Jess disait ça, moi j'updatais la page Wikipédia. Fait que là, c'est all online. Et on est avec la mistress of business de Coven Supreme of Montréal, Selma God! Hello! Ça va bien tout le monde? Ah, yes. Ça va bien. Ce qu'ils savent pas, les gens qui nous écoutent, ce qu'ils savent pas, c'est que nous, on voit vos visages. Fait que c'est encore plus entertaining. Oui. Layers and layers and layers. On devrait devenir YouTuber. Ben oui, prochaine carrière. C'est la même chose que podcaster. C'est Et là, On n'a même pas dit pourquoi qu'on revient, pourquoi qu'on a invité les gods, on jase, on est pas énervé. Garde un peu de mystère, là, c'est pas grave. Là, est-ce qu'on a besoin de raison? On veut dire à la fin. Non, là, on est juste absolument fab. Pas. Worshipping all day long. We're just being fab on the Zoom this morning. Hey! On a juste décidé d'enregistrer nos Zoom meetings à cette heure puis sortir ça comme des podcasts. C'est ça. En fait, ce qui s'est passé, là, c'est qu'on s'est fait contacter par le OFTA, qui est le Festival des arts vivants de Montréal. 15e édition cette année. 15e, si j'ai bien vérifié. J'essayais d'améliorer à Jess, puis il était comme, moi, je préfère les arts morts. Si ouais, mais oui, tout le monde me parle d'arts vivants. Moi, je préfère non. Non. Ça bouge trop, ça me donne... en tout cas. Puis, ça se passe ça. Ça se passe du 28 mai au 6 juin. Donc, c'est déjà commencé. On est en retard. Sacrément, on est en retard. C'est pour ça qu'on s'est dépêché de revenir. On est en retard. On va publier l'épisode en fast-forward avec des voix de chipmunk. Ah, mon Dieu. Ma voix de chipmunk, c'était insupportable. Encore plus que la vie. Tu le fais naturellement, puis ça me fait peur. Je peux me fast-forward myself. C'est comme un podcast tip. Et dans le cadre du Festival OFTA, le Festival des arts vivants, 15e édition du 28 au 6, les gods font un show qui s'appelle « Why, God, why? » Est-ce qu'on n'a pas tous déjà crié ça 25 fois par jour? Oui. Et c'est de ce show-là qu'on va faire la promotion aujourd'hui parce que ça s'en vient. On va en parler dans le deuxième segment du show parce que là, on va aller prendre le premier café de la saison, je pense. Ouais. On est dû pour un premier café de la saison. Hey, mon Dieu, je suis fatigué, là. Réveillez-moi. Mais là, vu qu'on n'est pas allé dans un café, ça fait un bout. On va aller brûler de la sauge dans tous les cafés Queer Friendly de Montréal avant pour les purifier des mauvaises énergies de la pandémie. Puis on va revenir au beurre café. Ça fait qu'on a brûlé de la sauge, de l'encens, deux chars de police, puis une photo d'Éric Duhaime, Salvaille, Lapointe, puis on est sur le piton! Oh my God, qu'on est en forme! Fait que là, on a deux gods quand même descendus du ciel avec nous. Fait qu'on va quand même parler un peu spiritualité, hein, parce que ça vient un peu avec... vous allez comprendre tantôt quand on va parler du show. Nous autres, les queers, on ne veut jamais rien faire comme personne. On aime tout ça faire à notre manière et c'est tant mieux. Et c'est vrai aussi pour la façon dont on gère nos croyances, notre spiritualité. Et ça va vraiment de l'astrologie à la sorcellerie, en passant par le tarot, la superstition peut-être même, je ne sais pas. Évidemment... Avant d'aller plus loin, je veux juste être sûr qu'on se comprenne que oui, on est au courant qu'il y a des personnes queer qui pratiquent des religions qui sont plus connues, comme des gens de la communauté juive, des gens des communautés musulmanes, catholiques, chrétiennes. C'est juste que ce n'est pas le sujet de l'épisode d'aujourd'hui. On va le faire. C'est sûr, on va le faire. Mm-hmm. Pas aujourd'hui. Moi, c'est mon problème avec les religions mainstream, c'est que je trouve que depuis que Constantin Ier au 3e siècle a adopté le catholicisme, on a perdu un peu de son essence. Avant, c'était juste comme, you know, bitches hang in Palestine, genre dire aime ton prochain et tout. Puis c'est juste comme, je trouve ça assez dénaturé. Puis genre, en tout cas, back in the days, it was better. Ouais, l'époque où on se tenait à 12 en jaquette dans le désert est loin derrière nous. En tout cas, c'est ça que j'avais à dire. En tout cas. Toi, t'étais chrétien avant que ce soit mainstream. C'est ça ton point, genre. Moi, là. Maudit Constantin Ier. On fait même plus de jokes queer. On est rendu avec Constantin Ier puis Van Gogh. C'est ça le thème aujourd'hui. Mama, don't assume Miss Constantine was straight. What do you know about her? Oui, what do you know about her? Ça se tenait au bain romain à ce temps-là. Puis, Non, mais pour vrai. Assume all five were straight. Là. Who cares? Là. Donc, sorcellerie, astrologie, tarot, satanisme, karma, il y en a pour tous les goûts. Moi, je vais commencer par faire un petit tour de table. Oh. On va commencer avec les gods quand même, nos guests en premier. OK. Comment vous vivez votre spiritualité? Est-ce que c'est plus sorcellerie? Est-ce que c'est plus astrologie? Comment vous croyez dans la vie? Moi, c'est pour Uma, c'est... attends, il y a des gros mots à faire en français, puis là, je suis perdu. en anglais... I am a Hellenic polytheist. A Hellenic revivalist. Alors, je suis quelqu'un qui prie aux dieux de Grèce, surtout Dionysus. Ça fait quelques années que je suis plus dans cette direction-là. Avant, j'étais néo-païen et je travaillais aux boutiques Mélange Magique. J'étais le président du Centre de ressources païens de Montréal pendant un petit bout aussi. Alors, tu sais, tout ce qui est sorcellerie, religion païen, that's where I'm at. Selma? Je me décrirais comme soft agnostic. La raison étant... c'est parce que... Tabarnak, on est passé des tender queers aux soft agnostic. C'est juste parce qu'elle se hydrate le pot. C'est juste ça. That's what she's soft. Non, mais écoutez, il y a une vraie raison à regarder. Parce que agnostique, ça veut dire qu'on ne croit pas ou on nie pas ni l'existence ou le non-existence d'un dieu ou d'une spiritualité quelconque. Je dis soft agnostique parce que pour moi, quand je regarde la vie autour de moi en tant que personne scientifique et fabuleuse, la magie, c'est juste la science qu'on ne comprend pas. Ça a toujours été ça, puis ça va tout le temps être ça. Fait que je ne peux pas dire qu'il n'y a rien qui existe parce que je ne connais pas. C'est pas parce que je ne connais pas que ça n'existe pas. Fait qu'il y a le scientifique en moi qui se dit, ben, il y a sûrement quelque chose. C'est quoi? Je ne le comprends pas, puis je ne le sais pas tout de suite. Fait que je dis ça, agnostique, parce que je ne veux pas dire que j'y crois pas et j'y crois en même temps. C'est plus que j'y crois, mais j'y crois en quoi? La possibilité. Oui. She's spiritually versed. Mm-hmm. All right. Moi, je pense que Charlie et moi, on peut parler d'astrologie quand même assez... Ouais. C'est pas mal ça, notre We're scheme. We're those girls, là. Ouais, c'est nos référents, notre symbolique qu'on utilise beaucoup. Oui, ben moi j'ai commencé à y croire parce que les Virgos, genre la description est tellement hot que j'étais comme ok, ouais, c'est clair. Peut-être comme I feel seen. Ouais. Je suis un peu le blueprint de la Virgo, là. Non, c'est ça. Ouais. Sinon, moi je trippais bien sur Ouija quand j'étais petit, là. Oui. Alors, ce genre de shit, là, puis genre pretending I'm a witch, là, puis tout. Mais pourquoi pretending? Pourquoi pretending? C'est ça que j'allais dire. Comme, c'est ça l'affaire, c'est que je le faisais, mais là maintenant, je suis comme, I don't want nothing to do with spirits. Là. Je suis comme, as an adult, je suis comme, laissez-moi tout seul chez moi. Il y a des raisons pourquoi j'habite tout seul, je ne veux pas être dérangé. Mais, c'est vrai que là, je m'en allais, parce que souvent, les gens, ils disent sorcellerie, ils voient ça comme un jeu. Mais, ou comme, genre, ha ha ha, Halloween, sorcière, ha ha ha. C'est vraiment kind of basic. Mais il y a des gens qui font cette pratique-là très sérieusement, puis il faut, j'insiste là-dessus, il faut quand même respecter ça, parce que pour certaines personnes, c'est pas « ha ha ha Halloween », c'est vraiment un rite qui leur permet, je veux dire, la spiritualité, ça ne sert pas à rien, là. On va en parler, mais comme ça permet d'évacuer ou ça permet d'avoir un « outlet » qui sort de la raison, la science, le cartésien, ou le, je ne sais pas trop, le « whatever ». Puis je pense que c'est ça qui est intéressant, parce que souvent, c'est ça, les gens, ils ridiculisent un peu ça, mais il ne faudrait pas, là. Tu sais, c'est comme une vraie religion, là. Mais le sorcellerie, ça n'est pas nécessairement une religion. Ça peut être une religion. Alors, il y a plusieurs façons, parce qu'il y a le Wicca, où est-ce que les gens qui le font s'appellent des sorcières, et leur religion, ça, autrement dit, c'est le sorcellerie. Il y a aussi les gens qui le font d'une manière qui est complètement hors de religion. C'est une pratique, c'est un art, c'est n'importe quoi comme ça. Mais il y a aussi des gens qui trouvent une religion dans l'art. Ça n'est pas le Wicca, mais il y a une autre spiritualité qui se trouve dans la sorcellerie qui devient leur religion. Alors oui, ça peut être une religion et oui, ça peut être autre chose aussi. C'est ça, parce que je dis religion, mais tu sais, ça peut être comme spiritualité. Genre notre façon de... Mais même hors de ça, il y a des gens où est-ce que ça n'est pas spirituel du tout, c'est une pratique. C'est comme de faire de la peinture, c'est comme faire du tricotage. C'est juste une pratique. C'est comme faire du science chez vous. Mais une façon que les gens peuvent peut-être comprendre un peu plus, je pense pour moi, la façon que j'ai pu comprendre ça plus facilement, c'est un peu comme si on regarde les gens qui faisaient de l'herboriste. Les herboristes, tu sais, ça rentre dans... C'est une pratique magique qui est pas relié à une religion nécessairement. Ça rentre dans ce genre de pensée-là. Oui, parce que souvent, en plus, moi, j'en connais des gens qui font de la sorcellerie, puis très souvent, les choses qu'elles vont faire, la confection qu'elles vont faire, c'est des trucs qu'on connaît déjà, qui sont soit des connaissances sur l'herboristerie, comme tu viens de mentionner, tu sais, c'est pas sorti de nulle part, puis même si c'était... Moi, je ne connais pas bien la sorcellerie, fait que je ne sais pas exactement c'est quoi les racines, tout ça. Là, je ne suis pas un expert. Mais je pense que c'est important. Qu'est-ce qu'on répond aux gens qui disent tout le temps aux gens vraiment, vraiment, vraiment là, hard agnostiques. J'en vois sur Facebook des gens qui disent carrément, surtout pour les queers, sont comme « Je peux pas croire qu'une personne queer croit à la religion, c'est stupide, les religions, c'est contre nous. » Bon, moins la sorcellerie puis les religions plus marginales, là, mais qu'est-ce qu'on répond aux gens qui veulent absolument que tout soit rationnel? Bon, fait que déjà là, on parle de gens athéistes dans cette logique-là. C'est des gens qui ne croient absolument pas à la spiritualité ou à un être plus puissant ou des énergies plus puissantes que nous. Ça, c'est athéiste versus agnostique. Agnostique, ça veut dire qu'on y... c'est pas qu'on y croit ou on y croit pas, c'est juste que ça peut exister, on est ouvert aux possibilités. Tandis que athéiste, c'est qu'on y croit absolument pas. Ce qu'on dit à ces gens-là, c'est ça fait pas de mal à personne, mais toutes tes affaires. Ça te regarde pas, ça te fait pas de mal. Tu veux pas que les gens se mêlent de ta vie privée puis ce que tu fais avec trois gars dans ta chambre, ben mêle-toi pas ce que les gens font dans leur pratique spirituelle dans leur maison à eux autres. Ça, c'est la première chose à dire, moi, je dirais. Oui, vraiment, c'est que moi, je connais, comme quelqu'un qui est spirituel, religieux dans leur vraie vie, tu sais, qui est très impliqué dans leur religion, je connais plusieurs queer qui sont même encore plus que moi impliqués dans leur religion. Et souvent, la différence que je vois entre les queers qui sont spirituels ou religieux et les hétérocystes qui sont religieux, c'est que les queers se trouvent leur religion en eux-mêmes et ça va leur... c'est pour eux-mêmes. Quand ils font, c'est pour eux-mêmes. S'ils partagent avec quelqu'un, c'est un partage, mais ça n'est pas une performance nécessairement. C'est vraiment pour eux-mêmes. Ou est-ce qu'on voit souvent dans des communautés hors des queers, ça devient proselytisation, évangélisme, des choses comme ça, ou est-ce que c'est vraiment le parti le plus important de notre religion, c'est qu'on doit le dire à tout le monde et tout le monde doit nous suivre aussi. Alors souvent, c'est vraiment ça la différence que je vois quand je remarque la différence entre notre communauté et les autres. Et c'est quelque chose qui doit être... how do I say it in French? We should put a spotlight on that. Parce que les queers qui voient les queers religieux, qui sont comme, mais comment tu fais ça? Mais il faut alors illustrer les différences dans notre relation par rapport à la religion. Et ça change complètement l'affaire. Parce que ça devient une expérience complètement différente. Ouais, puis je rajouterais même que là-dessus, pour moi, c'est aussi de voir la différence entre une pratique religieuse qui est une pratique d'introspection, de découverte, d'apprentissage, versus une pratique qui est de contrôle des autres. C'est ça qui est aussi la différence entre « je fais que ça pour moi » ou « je le fais parce que je veux contrôler le monde extérieur à moi ». Et là, c'est là qu'on embarque dans des discussions qui sont plus touchées, je dirais, surtout quand on regarde le background québécois. Cancel les croisades, là, c'était pas correct. Ben, c'est ça, exactement. Il y a des trucs comme ça. Ben, on parle de croisade, mais il y a des choses bien plus récentes. Les 215 enfants qui ont été retrouvés dernièrement à Vancouver, cette semaine même. Ça finit pas les atrocités qu'on a trouvées dans le passé canadien qu'on décide d'ignorer. Mais c'est ça, mais quand tu ramènes dans un contexte québécois, je trouve que c'est intéressant de considérer d'où ça vient ce sentiment-là de refus de la religion et de la spiritualité, juste parce que c'est vrai que c'était un instrument de pouvoir pendant super longtemps, particulièrement le catholicisme au Québec qui a comme fait un deal avec le pouvoir colonial pour garder le contrôle sur la population et tout. Fait que, tu sais, mettons la génération des boomers qui, là, maintenant, sont comme super islamophobes puis catholaïques, là, tu sais. Je comprends que ça vient aussi d'un trauma de refus du pouvoir religieux, ceci étant dit, comme « don't fucking get nosy », là, tu sais, comme « stay in your lane, watch your shit », mais genre, tu sais, comme, c'est pas parce que tu as une expérience négative de la religion et de la spiritualité que c'est nécessairement quelque chose de négatif en soi, tu sais, je pense que... Puis, j'ai l'impression qu'aussi au Québec, comme c'était un mouvement générationnel, comme dans pas mal toute la population, ils sont comme « bon, ben, si on l'a fait toute la gang, on doit avoir raison », tu sais, puis t'es juste comme « if only », tu sais, c'est ça, c'est pas non plus comme ça que ça marche, mais en même temps, tu sais, je veux dire, on est aussi des enfants de cette génération-là, puis je pense que on vit aussi dans ce mood-là de comme « Hey, thank God qu'on n'est plus dans ce Québec-là de la grande noirceur, blablabla. Bla, » mais c'est ça, en même temps, il faut apprendre à se décentrer de sa réalité aussi. Ben, il y a aussi l'aspect où est-ce que les gens des groupes marginalisés, il faut se trouver dans la religion. Il faut faire ses études. Il faut vraiment chercher pour trouver son propre représentation dans la religion, surtout ceux qui sont comme les the big three. Et puis, mm-hmm. mais les autres, ils trouvent ça, ils prennent ça, like they take it for granted. Alors, ça devient, en place de chercher pour soi-même dans le texte, ils disent, le texte est écrit pour moi et c'est pas pour se trouver dans le texte, c'est pour forcer le texte sur les autres. Et c'est pour ça que ça devient très différent. Et c'est pour ça que souvent les queer religieux, c'est beaucoup plus introspectif. Sorry, I'm having a hard time. Ben correct. Mais c'est ça, beaucoup, la différence, c'est que nous, on doit se trouver, c'est beaucoup plus centré sur notre expérience et comment ça peut mêler avec la religion, ou est-ce que d'autres personnes déjà se trouvent dans le mix, they don't have to think about it, alors c'est comment on peut mêler les autres là-dedans, et ça devient problématique. Une parallèle intéressante avec ce que Uma vient juste de dire, justement, c'est qu'en tant que personne queer, on est déjà habitué de faire le travail d'introspection. On l'a déjà fait, comment je peux me trouver dans la société dans laquelle je vis? Comment je peux me trouver dans ma famille? Comment je peux comprendre ça? C'est un travail que toute personne queer, que tu t'acceptes ton queerness ou pas, que tu le célèbres ou pas, que tu le transformes, peu importe ta situation avec ton état de queerness, c'est un travail que tu n'as pas le choix de faire à un certain niveau parce que tu découvres que tu ne fites pas dans le cadre du monde que tu es supposé être dedans. Fait que tu n'as pas le choix de faire ce travail-là. Fait que c'est sûr que notre relation à la religion va être aussi différente parce que c'est un travail qu'on a déjà fait, c'est un cheminement qu'on connaît bien déjà en tant que personne queer. Oui. Bon, on est déjà habitué à devoir prendre des décisions, faire des choix, faire de la recherche. Puis aussi, moi, je pense que pour les gens qui font juste comme ridiculiser ça, genre sans même avoir un discours réfléchi, puis sont comme « Ah non, c'est niaiseux croire en l'astrologie, la religion, whatever », je pense qu'on peut facilement dire qu'on vit dans un monde qui n'est pas facile pour personne, puis encore vraiment moins pour les personnes queer, puis encore moins pour les personnes racisées, puis bon, c'est société de marde, on va dire ça de même en une phrase. Je pense que c'est un besoin de croire à quelque chose qui est extérieur, soit par choix, soit par éducation. Ça ne vient pas de nulle part. Là. Moi, je dis tout le temps à n'importe qui, je suis comme « OK, toi, t'es athée, t'es agnostique, t'es nommé-les, là, all of the above. » Dis-moi que le matin, quand tu cours après ton autobus, dans ta tête, tu ne dis pas « S'il vous plaît, faites qu'il soit à l'heure. S'il vous plaît, faites qu'il soit à l'heure. » C'est niaiseux, mais il y a une conscience en dedans de nous qui aime ça ou qui a besoin de se projeter vers autre chose que aujourd'hui, on est le 31 mai, je crois en rien, puis tout est de ma faute, puis si tu veux, tu peux, puis... Je suis le seul responsable de tous mes malheurs! Ça va bien aller! Ça va bien aller! Toxic positivity, live love, love, la gang! Ben, on l'a vu, tout a bien été. Hein? Tout a bien été. Moi, j'ai hâte à dans un an, là, quand tout ça va être fini, puis qu'on sera pas encore pédosataniste. Puis que là, les gens qui ont passé toute la petite pandémie à nous regarder en faisant « Ah, oh, le vaccin, le 5G! » Genre, j'ai vraiment hâte à ça. J'ai hâte qu'on leur prouve que... Ou peut-être qu'on avait tort, puis on va tous devenir des lézards, puis à suivre. Honnêtement, moi, je rockerais des écailles. Moi, j'aimerais ça être capable de, comme, arracher mon bras puis le repousser. Tu sais, ça serait quand même cool. Je ne vois que des avantages. Je peux licher mes yeux pour, comme, pour qu'ils soient hydratés. Imagine, like, comment c'est imposant. T'arrives, puis t'es comme... Wow! Ben oui, mais imagine tout ce qu'on pourrait faire d'autre avec ce langue-là, sacrément. Je veux pas péter votre bulle, mais on a l'hiver ici au Québec, hein? Des lézards, ça irait pas que... super bien. Je suis personne pratique dans la vie, moi, tu sais. On jase. Non, mais. Imagine Uma, genre, you shed your skin, puis tu fais juste donner, genre, ta vieille peau à tes drag daughters. Ben, elle a pas de drag daughters, c'est toi des drag sons. Ben, on dit ça généralement, pas personnellement. Fair enough. Hey, là, on est rendu à parler de reptiliens, puis ça tombe bien aussi. C'est un bon segue parce qu'on va aller mettre un petit rat domestique, une IPA, 3 bitcoins, puis une photo d'Elon Musk dans un cercle de sel pour voir si on peut pas faire apparaître un barista ben troisième vague. Get some coffee, puis on revient pour veux caféiner. Malheureusement, il n'y a pas de barista qui est apparu, juste deux, trois wokistes. Avec des wokistes qui venaient de finir une bâche de kombucha vraiment chère. Pour les hérétiques. Sûrement à l'hibiscus. sûrement à l'hibiscus. Pour les hérétiques qui ne sont pas encore au courant, quand on parle de la House of God ou encore la House of Lorraine, on parle théâtre, cabaret, humour, classique, lip-sync, streaming sur les internets, gore magique politique. Fait que vous travaillez avec une palette qui est très large et qui en a pour tous les goûts. Et je pense qu'on peut dire que derrière à peu près chaque show, il y a un concept. Je pense qu'il y a toujours un concept. Je réfléchis, puis il y a pas mal toujours un thème, concept, il y a quelque chose qui va avec ça. Et... Elles font nom de la tête, elles sont comme, we don't fuck with that shit. On fait juste mettre une pretty... On fait juste mettre une pretty pageant wig, là, puis on fait 2-3 tonnes de Dua Lipa, là, puis on décale. Mon Dieu, Charlie, répète pas ça partout, si ça va se faire bouquer chez Mado. Donc, il y a toujours un concept derrière chaque show. Disclaimer, c'est pas les gods qui ont dit ça. Envoyez pas des courriels à Selma et Uma, c'est ma joke. C'est ma... C'est moi que je prends la responsabilité de nez. Oh my god, ma relation avec le Mado s'améliore de jour en jour. Alors, donc, derrière chaque show, il y a un concept. Je crois pas qu'il y a d'exception. Et le spectacle God, Why God fait pas exception. C'est un spectacle avec un concept. Si j'ai bien lu, c'est un spectacle qui s'inspire des arcanes majeures du tarot. Là, moi, je ne suis pas une grande spécialiste du tarot, alors peut-être, Charlie, tu pourrais nous lire ça, ce petit moment-là, parce que je ne connais pas. Hey, moi, j'y vais genre on top of my head comme ça. Là, je ne suis pas non plus tant ferré en tarot ça, mais j'en ai un, en tout cas. Puis les arcanes majeures. Dans le fond, les arcanes mineures, c'est dans le fond des numéros avec des éléments slash symboles qui sont... J'utilise vraiment pas la bonne terminologie. Je ne sais pas pourquoi je t'entends parler de ça comme si moi, j'étais quelqu'un qui connaissait ça. Mais, sinon, Selma, tu peux-tu nous résumer? Vas-y, Selma, calice. Là, tu me laisses m'enayer tout seul. Charlie, t'es cute. Mais... T'es beau, t'es belle. On t'aime. Oh my god, shut the fuck up. OK, fait que il y a les bâtons, les coupes, les épées, puis c'est quoi l'autre, là? C'est quoi l'autre? Pas important parce qu'on ne les utilise pas dans notre... Les pentacles. Non, les c'est pentacles. Juste les majeurs. C'est ça, ça, c'est les mineurs. Mais là, on commence par les mineurs, on va être les majeurs après. Fait que là, dans le fond, ça, avec des numéros, ça correspond à quelque chose que la personne qui tire au tarot va dire, mais des arcades majeures! Écoutez, notre show va être malade, fond... gang! Ça parle ça de numéros, ça parle de coupes puis de bâtons. Les petits bâtons, les épées. Il y a des majeurs puis des mineurs. Il y a honestly, pas game. Honestly, pas game. Genre, make it work. Anything goes. Fait que les arcades majeures, c'est plus des personnages élaborés avec des beaux dessins qui ont une représentation très précise. T'sais, mettons, quand tu dis t'sais, les pentacles, c'est genre la terre, les choses matérielles, puis selon la numérologie de quel numéro tu as, ben là, ça veut dire ça raconte quelque chose à un différent degré. Tandis que, mettons, une carte comme la lune ou la tour a vraiment une symbolique propre à elle-même. Fait que, vous voyez, j'ai quand même rappé oui! ça comme du monde. Si j'ai fini par dire quelque chose, là. Fair enough, fair enough. Mais tu as tout dit ce qu'il fallait dire. C'est juste que nous, on aime ça rire. C'est pas méchant, là. Mais c'est exactement comme tu dis. Les quatre mineurs représentent les quatre éléments. Fait que le feu, l'eau, la terre. OK. Ah, oh, excusez, je suis en train de brailler parce que je riais trop, silencieusement. et l'air. Mais bref. Et avec, justement, les numéros, ben, il y a différentes variantes sur ces thèmes-là. Et l'arcane majeure, c'est vraiment le développement complet d'une personne ou d'une entité ou d'un événement. Fait qu'on commence avec le fool, puis là, on évolue avec tout ça. Donc, effectivement, le but du tarot, t'sais, on a parlé de c'est quoi, mais c'est quoi le but? C'est un outil qui est divinatoire, mais aussi d'introspection. Ça nous permet de nous centrer, de réfléchir sur nous-mêmes, et de savoir où est-ce qu'on s'en va, puis potentiellement ce qu'on devrait faire. Là, okay. c'est là que les opinions varient énormément. C'est est-ce que c'est un outil qui dit mon futur absolument, puis c'est ça la vérité, puis il n'y a rien d'autre qui change, ou est-ce que c'est un outil qui me permet de savoir un peu plus sur moi-même et de réfléchir? Uh-huh. Et c'est ça qu'on va explorer. Comment ça se traduit en show, ça? À quoi on peut s'attendre là, dans le show Why God Why? D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais c'est mercredi. Non. Le 2 juin. Oh, wow! Mardi? Pas du tout. Gang, mercredi le 2 juin, on se voit, ça va être malade. On fait le choix avec les bâtons cette journée-là. Ah, c'est le choix, c'est les bâtons puis les épées cette fois-là. C'est le ça. 5 juin hein? À 9h30. Ah, oh, c'est le 5? Oui, le 5 juin ouais, à 9h30. On va le répéter. Update ton Google Cal, là, Jess. Non, mais je veux dire, c'est mon brand. À chaque fois que je fais de la recherche, je fais une erreur à quelque part. Bon. On se rappellera que j'ai scrappé la discographie de Rita Baga dans Crash Tonté l'année passée. À chaque fois, il y a quelque chose. Ben, on va le répéter. Donc, c'est le 5 juin. Le 5 juin. Charlie? 5 juin. Fait que le 2 juin, dans le parc de Mont-Royal, les épées et les bâtons. Le 5 juin, on va explorer le tarot en drague. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, on va inviter les esprits de nature et de l'univers dans notre théâtre. C'est un spectacle qui se fait online. Alors, oui, dans un Zoom call, on est tanné, mais c'est ça la vie en ce moment. Les Zoom calls, c'est les séances modernes, de toute façon. C'est ça, exactement. Oui, absolument. Check, même les... M'entendez-vous? Même les espéris, maintenant, sont confinés. Alors, ils doivent faire de quoi sur l'Internet oui. aussi. Alors, on va, voilà. on va inviter tout le monde dans un Zoom et on va faire des numéros de drag qui sont reliés aux cartes de tarot qu'on va tirer pour l'audience. Donc c'est OK, oui, parce que là, tous les gens n'auront pas nécessairement leur jeu de tarot dans les mains. Là. Fait que c'est vous qui tirez les cartes. Fait que c'est interactif. Et puis, on va expliquer les cartes. On va vous aider à mieux comprendre pourquoi cette carte est reliée à chaque personne. Et puis, on va faire des numéros de drague qui sont reliés aussi. Fait que le numéro de drague va vous permettre d'approfondir votre connaissance de l'archétype de la carte qu'on a tirée pour votre lecture. Parce qu'on sait que t'aimes ça profond, tu sais. God, I love that deep. Ça a été dit ici, you heard it. You heard it. Hey, moi puis mon... Voilà, vous l'avez entendu ici en premier, c'est ça que je veux dire. Ben... Hein? Voilà, je l'ai dit. Est-ce que, juste pour être sûr, pour les gens qui nous écoutent, c'est bilingue, français, anglais? C'est une pièce de théâtre. Okay, on va récapituler. Je recommence à zéro un petit peu. Okay. Oh my God, c'est une pièce de théâtre. C'est au-dessus du langage, Jess. Exactement, okay, c'est de l'art. Pas l'affaire de français ou anglais. C'est de l'art. Ce que je veux expliquer, c'est que oui, c'est un cabaret drag. Il y a de l'improvisation. Il y a du tarot qu'on tire pour de vrai avec des vrais gens du public. Mais il y a aussi le fait que c'est une pièce de théâtre. Avec un gun, tu mets sa corde à linge, tu tires. Oui, exactement. Il y a vraiment un texte qui se travaille et tout ça au travers de ça. Fait que le texte de la pièce est en anglais. Mais s'il y a des gens qui sont francophones, qui ont interagi avec eux, ça va nous faire plaisir de parler en français avec eux. Au Québec, tabarnak, moi, un peuple à genoux, colonisé. On est-tu rendu en Ontario? C'est-tu Toronto ou c'est sacrament? Si tu dis le texte est en anglais trois fois dans le miroir, Simon Jolin Barrette apparaît dans ta salle de bain pour te dire oh, ton Québec, c'est ton Québec, c'est là, j'essayais de me rappeler parce qu'avec la pandémie, une semaine c'est un an c'est une semaine, là, je suis comme tout mélangé. Est-ce que c'est la première production officielle de House of God? Genre les deux ensemble, que c'est pas Coven ou c'est pas Church? Oui. Oui, parce que la dernière production qu'on avait faite avant ça, c'était Apocalypse Inc., qui était encore sous le nom House of Glory. Je veux dire, tout ce qui a changé, c'est le nom. On a quand même... Oui. C'est une question de marketing et branding, c'est que le House of Glory, c'était un peu daté comme référence. Parce que c'est ça, pour les gens qui nous écoutent, avant, c'était la House of Glory. Comme Uma et Sema viennent de le dire, bien simplement, c'est juste que ça a changé de nom pour House of God. Donc, si vous voulez, d'ailleurs... plug de suite, on va vous le répéter à la fin, mais si vous voulez les suivre sur Instagram, c'est House comme maison en anglais, of, O-F, hein? Bon. God, c'est G-A-H-D, comme la télé HD, là, HD, G-A-H-D, God. Première production, donc, en tant que House of God. Ouais, là. Ben, c'est le moment. Ayez de la compassion pour vos local artists parce que le AFTA, ça se passe en ligne. Tranquillement, pas vite, les gens peuvent sortir. Il fait beau. Les bars, les salles commencent à envisager la réouverture. Les artistes vont devoir une fois de plus se réadapter. Puis il y a des trucs qui sont en production en ligne, mais il va commencer à avoir des affaires en live. Fait que, comment se passe cette transition-là du online, peut-être back en personne avec des. Parce que vous étiez beaucoup online pendant la pandémie. Vous avez un Twitch channel, House of God encore. Vous avez fait des shows virtuels. Ça se passe comment, ça? Ah, OK. Bon. Première chose, je veux dire qu'on est très chanceuse de pouvoir avoir fait une transition en ligne aussi smooth. Ça, c'est grâce à mon talent inoubliable. Je travaille de jour en marketing numérique. Pour moi, de faire une transition vers le monde numérique, c'était hyper facile. On a été chanceuse de pouvoir facilement avoir une transition. T'sais, on avait déjà l'équipement à la maison, on a un studio à la maison. T'sais, pour nous, il y a un côté là-dedans qui est aussi de la chance parce qu'il y a beaucoup de gens, surtout dans le milieu de la drague, que eux, pour eux, c'était très difficile la pandémie. C'était très difficile de pouvoir s'adapter parce que, OK, ouais, j'ai un téléphone, je peux filmer, il faut que j'aille pour filmer. J'ai pas de software pour éditer mes vidéos. Je veux pas, genre, ce qu'on dit, je veux pas que ce soit teinté avec le regard de ah, mais tu sais, eux l'ont fait, tout le monde peut le faire. Parce que c'est pas vrai que tout le monde peut le faire. Difficile. Vous n'êtes pas devenus instantanément genre des experts en marketing numérique. C'était déjà là. Exactement. Je ne veux pas se retenir parce que souvent les gens ont cette perception-là que ah, ben, les drag artists, ils étaient juste lazy, ceux qui n'avaient pas des bonnes vidéos. Ah, ils ne sont pas adaptés parce qu'ils ne sont pas bonnes. C'est pas ça. Là. C'est pas des attentes réalistes, en fait. Là, parce que c'est un métier. Là. Puis, tu sais, autant genre being a drag queen, c'est un métier. Genre, ça aussi, ça est un autre style. If you can mix both, genre. Fucking good for you, because y'all bitches were lit, mais genre, c'est ça, c'est pas non plus accessible à tous instantanément. C'est un médium qui a permis justement à beaucoup d'artistes de s'épanouir aussi. Des artistes qui sont épanouis avec ce médium-là, qui ont réussi à faire des choses qu'ils n'auraient pas pu faire en personne. T'sais, j'ai bien beau vouloir être un green screen quand je suis sur scène, mais c'est pas possible. Ouais, c'est ça. Où est-ce que je vais aller avec tout ça? C'est justement. Pour nous, ça a été une transition qui était le fun, qui était excitante. Oui, il y a eu des moments plus difficiles, puis on n'a pas eu le choix de le faire, mais on a fait des choses vraiment intéressantes quand même. On a réussi à faire des shows en ligne de COVID, on a réussi à faire des... C'était des belles réussites. Je veux dire, j'ai autant de gens qui sont venus à COVID en ligne que des gens qui viennent dans la salle de spectacle. Fait que, je veux dire, pour moi, ça montre un succès. J'étais capable de payer mes artistes le même montant d'argent que j'ai payé en tout temps. Fait que pour moi, ça, c'était un énorme succès de réussir à pouvoir continuer. Là, c'est certain que nous, côté monétaire, on a pris quand même une grosse perte parce qu'on n'est plus en show quatre soirs semaine. Ben non, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais où est-ce qu'on arrive maintenant, c'est comme vous avez dit, il y a une transition à faire et c'est difficile parce que, OK, il y a plusieurs raisons pourquoi c'est difficile. Numéro un, on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. Est-ce que je dois... Ouais, c'est ça. S'ils ouvrent les bars demain, est-ce que j'abandonne tout ce que je faisais selon mon horaire virtuel? Et puis là, dans deux semaines, ils vont refermer les bars, puis je dois recommencer, puis qu'est-ce que je vais... Tu sais, ça va être mêlant, les gens vont pas savoir où me trouver, blablabla. Bla, bla. Alors ça, c'est difficile. Ouais. Il y a le côté aussi où est-ce qu'on aimerait garder l'élément virtuel parce que c'est accessible. On a des gens qui sont pas capables de venir au bar, soit parce qu'ils sont limités physiquement ou mentalement, ou ils sont complètement dans un autre pays des fois. Ouais, alors, ben le côté virtuel, on aimerait ça trouver une façon de continuer de le faire pour autre raison aussi. Mais pour moi, personnellement, Uma, c'est difficile parce que je me sens comme j'abandonne un travail dans lequel j'ai mis beaucoup d'énergie et je me sens comme c'est une perte. I feel like I'm quitting. Ouais. Et c'est vraiment difficile de dire, ben, tu sais, je faisais 3 streams par semaine, puis là, si j'arrête parce que les gens ne viennent plus, est-ce que c'est à cause de moi qui n'est pas assez intéressant ou est-ce que c'est parce qu'ils sont juste trop tentés par les bars? Alors, c'est difficile. Mon ego me donne des problèmes. Mais c'est un peu normal parce que, surtout, vous, ce que vous faites sur Twitch, c'est pour les gens qui savent pas c'est quoi Twitch, c'est du direct. C'est pas une vidéo YouTube. Ben, tu peux le réécouter par après si tu veux, mais normalement, c'est du direct, c'est participatif. Le monde chat avec vous. Moi, je suis là plus souvent le vendredi, mais des fois, j'essaie de venir les lundis, mercredis aussi. Puis c'est ça. Moi, je connaissais pas Twitch avant la pandémie. Je savais que ça existait, mais j'avais jamais été là-dessus auparavant. Puis c'est vraiment... C'est super le fun, sauf qu'à cause du direct, c'est comme un show dans un bar. Tu te retrouves à compétitionner avec tous les autres événements qui se passent en même temps. Puis là, ben, effectivement, soyez gentils avec vos artistes locaux, garochez-leur de l'argent, du following, partagez leur spectacle. On vous rappelle aussi, quand vous partagez le spectacle de vos artistes locaux, mélangez-vous pas dans vos dates, puis donnez le bon moment, puis la bonne heure, comme ça, ça va marcher. Je peux pas en parler. Cette année, Uma, tu vas animer ce qui, auparavant, s'appelait le show Illusion de la Fierté, qui était le gros show de drague local de la Fierté à Montréal. Avant Illusion, ça s'appelait Mascara, la nuit des dragues. C'est Mado qui l'animait. Illusion, c'est Michel Dorion qui l'animait. Et cette année, c'est Oh My God et Barbada de Barbade qui vont animer ce gros show-là. C'est pas une petite gig, hein? Pas du tout. comme vous l'avez dit, c'est quand même, j'avais pas réalisé quand ils m'ont invité de le faire. Fierté m'a contacté en disant, on aimerait que tu animes un spectacle de drague. Et j'étais comme, OK, cool, oui, absolument. Puis là, ils m'ont expliqué, puis j'étais comme, wait a minute, attends. Tu sais, le gig de Mado et Michel Dorion, qui est comme le top des tops à Montréal, maintenant, c'est moi et Barbada qui va le faire. C'est hallucinant pour moi. Alors, ça m'a pris quelques jours de vraiment comme faire, oh, wait a minute, this is a big deal. Et cette année, en plus, comme ça va être un spectacle mi-virtuel, mi-live, c'est compliqué à décrire, mais on va arriver à un point où est-ce que Fierté va tout annoncer. Mais c'est ça. C'est pas juste, oh, maintenant, tu animes un spectacle. J'étais partie du comité des choix pour les performances. Le nom. Ah oui, OK. Le nom qui était très difficile à choisir, qu'on n'a pas encore annoncé, alors je ne le donnerai pas ici. Mais aussi, tu sais, comment fonctionne... Désolé, you don't get the scoop. Fine. There's a contract involved, you know. Mais, tu sais, les décisions à comment faire le spectacle pour garder tout le monde en santé, comment on va le diffuser, qui va être impliqué, où on va le filmer, tout ça était parti de notre... on était au départ d'une nouvelle... Nouveau spectacle? Anyways. Nouveau spectacle. It's drag, honey. What is gender? Voilà. Alors, tu sais, c'était vraiment un gros paquet, vraiment, au départ, juste de comme, OK, guys, let's do it. Je peux pas ne pas le souligner l'ironie parce que c'est quand même un peu drôle. La dernière fois que vous étiez sur le show de Deux Fifs le matin, quand on vous a invité il y a maintenant 2 ans de ça, quand même, on avait parlé un peu de votre numéro à la Pride 2019, le numéro de à l'époque House of Lorraine et je pense 300 autres drag queens, drag kings, shapeshifters. Il y avait du monde sur ce stage-là, c'était incroyable. Et on avait parlé de que vous vous étiez fait présenter comme les drags hors village. On avait jasé un peu de ça, pourquoi. On avait expliqué que des fois, dans le village, on oubliait qu'il y avait des drag queens qui se produisaient ailleurs qu'au McDo ou au cocktail. Là, la drague en village est maintenant animatrice du show. En plus, pour les gens qui nous écoutent, c'est une joke parce que Oumaga travaille dans le village à l'année longue. It's like a running gag. Elle n'est pas hors village pour vrai. C'est parce que j'ai fait mes départs de drague hors du village, mais vraiment hors du village. C'est ça, ouais. Il n'y a personne dans le village qui savait c'était qui Oumaga ou qui était la House of Lorraine. Alors, on était vraiment hors du village. Éventuellement, j'ai pris ma place dans le village, mais j'ai continué toujours à être un peu à part. Même dans le village, même si j'avais ma place et j'étais sur les posters puis tout le monde savait c'était qui, j'ai continué à faire mes propres spectacles avec House of Lorraine et House of God. Alors, il y avait toujours un élément où est-ce que j'avais, tu sais, un pied dans chaque monde. Et puis, et puis, quand j'ai gagné, on a le gala des drags ici à Montréal qui était un peu comme nos Oscars. Ouais. Et j'ai gagné, il y avait un prix qui s'appelait Best Out of Village Drag, meilleur drag en village. Et puis, je l'ai gagné, mais dans ma tête, j'ai dit aussi, c'est les drags du village qui votent pour ce prix-là. Alors, j'ai gagné parce que je suis la drag hors village qui est le plus dans le village. Ouais, c'est ça. Je voulais pas pouvoir faire un Céline à la disque, genre arriver puis dire « Je ne peux refuser ce trophée. Je ne suis pas une étrangère! » Ben, Michel Dorion m'avait dit de faire ça puis j'étais comme « attends. I want my trophy. I want my trophy. » Michel! Parce que yes, Michel! Ça, c'est l'autre truc, tu sais. On parle de ça puis la distinction qu'il y avait et le hors-village, dans le village. Tu sais, on veut pas non plus nier le fait que ou moi, là, c'est la place dans le village, que moi, même, tu sais, je suis rendu DJ au cocktail, je fais de la porte au cocktail, je fais des shows au cocktail aussi. Michel Dorion puis le cocktail nous ont donné une énorme confiance aussi, parce qu'on a produit Mini Mix Credo là-bas. J'ai eu une urgence parce que The Diving Bell, malheureusement, il ne fait pas avoir mon spectacle Coven. Puis avec une semaine de notice, Michel, elle a dit « Oui, viens faire ton show à mon bar, sans me poser de questions, sans me mettre de limites, juste en me faisant confiance. » Fait que je ne veux pas non plus penser que les gens pensent qu'il y a une animosité ou une compétition entre les deux. C'est juste qu'il y a une différence. Ça ne veut pas dire qu'on ne collabore pas, qu'on ne travaille pas ensemble, puis qu'on ne s'aime pas, qu'on ne trouve pas que le travail que les deux communautés font sont valides. Parce que souvent, c'est la perception que les gens ont, que c'est du négatif, que c'est du bitchage. Ça ne l'est pas. C'est juste une identification des différences parce que tu veux pas, tu as une place au cocktail. Mais c'est même pas nécessairement des différences. Ben oui. Parce que, originalement, quand on criait qu'on n'était pas représenté dans les galas des dragues, on disait souvent c'est parce que, surtout pour House of Laureen, parce que dans le temps, on faisait le majorité des dragues hors du village, je vais être honnête. Ouais, quand même, ouais. Mais nos spectacles n'étaient pas éligibles pour les prix au gala des dragues, même si on faisait... Ouais. T'sais, même si on faisait 3000 $ par soir, si on avait des accords partout, si on avait tout le monde qui parlait de nous, nos spectacles n'étaient pas éligibles au gala. Puis on disait, ben, est-ce qu'on peut avoir un catégorie, t'sais, meilleur spectacle hors du village? Est-ce qu'on peut avoir meilleur underground? T'sais, quelque chose, mais ils l'ont pris comme on veut séparer les deux groupes. Non, c'est juste qu'on voulait être inclus. Ça n'était pas « on veut se séparer », c'est « on veut être inclus ». Et puis, c'est pour ça que maintenant, comme je travaille beaucoup dans le village, on fait notre travail aussi d'impliquer tous ceux qui ne sont pas engagés souvent dans le village. On veut les amener. Oui. Alors, il n'y a pas d'animosité entre nous. C'est vraiment, c'est pas nécessairement même les différences, c'est juste que ça existe. Le hors du village existe. Il n'y a pas juste nous. Alors, il y a Jimmy Moore qui fait ses spectacles en hors du village. Il y a Rainbow qui fait des tournées partout au Utah, à part en tournée. Nous, c'est juste de faire reconnaître qu'on fait du travail de drague. On met beaucoup d'efforts. On fait des spectacles qui ont 11 soirs de suite. On est dans des festivals. On a juste pour rire. On est partout. Puis ces spectacles-là n'étaient pas reconnus dans notre milieu lui-même. C'est juste une question de justement, see the work we do. Oui, parce que c'est ça que j'allais dire, parce que justement, c'est en train de changer. Je veux dire, Uma se retrouve à la barre d'illusion. On vous voit de plus en plus au cocktail. Mais puis, tu sais, bon, je fais des jokes sur le Mado tantôt, mais au Mado aussi, ça l'a énormément changé dans les dernières années. Le village se transforme. Je pense qu'il y a une oreille qui est en train de se développer pour dire, OK, ben là, on peut sortir de la zone normale. Ben, normale, la zone la plus connue, mettons. Confortable. Puis, la plus. Oui, c'est ça, de sortir de la zone confortable. Puis, personnellement, je pense que ça va juste. C'est juste la scène drague de Montréal qui va en bénéficier en général. Peu importe. On a une des meilleures scènes drague au monde. On ne peut pas se le cacher. On est chanceux d'avoir des cabarets à Montréal parce que les gens s'assoient pour voir un spectacle. Les gens s'assoient pour porter attention aux dragues sur scène. C'est pas juste des dragues qui vont devant des paquets de monde sous, faire un numéro puis s'en aller. Ils s'assoient puis nous regardent faire un show. On a le Mado, on a le cocktail, le Diving Bell, on a le Cléo, on a plein d'espace. Les gens viennent voir un spectacle. Ça fait que notre drague est tellement différente qu'ailleurs au monde, c'est incroyable. Tu sais, là, tu parlais du Mado. Même nous, on était au Mado, on faisait Dragula au Mado. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Moi, je trouve ça incroyable de voir notre scène à Montréal qui est aussi diversifiée et aussi forte en drague. Parlant de scène forte et diversifiée, on s'ennuie de Coven. Mon Dieu, qu'on s'ennuie de Coven. On s'ennuie de Church. On s'ennuie de. Mon Dieu, je pourrais nommer à peu près 50. Mais nous pas brailler! Ben là, un moment d'émotion. Mais non, pleurer sur des podcasts, ça fait juste des sons bizarres. C'est mieux. On t'envoie ça après. Sur des podcasts, pleurer. Ouais, c'est ça. Là, je sais que c'est difficile à prévoir, mais je pense que je t'ai déjà entendu parler de ça, Selma. Est-ce qu'un jour, on va voir Coven à Fierté Montréal? Le 2 juin. Le 2 juin. OK. C'est pas difficile à prévoir parce que moi, je prévois tout. Moi, j'ai toujours plan A, B, C, D, E jusqu'à Z de près. En toute honnêteté, on va dire les vraies choses. COVID a déjà fait partie de Fierté. Je veux réitérer ça. J'ai fait COVID, pas l'année passée, mais l'année d'avant. Et faisait partie de Fierté. Ça s'appelait Sinful Pride. Et on était inclus dans la programmation. Oui, c'est vrai. Ça, je veux pas le enlever. On a déjà fait partie de Fierté. Et même que... L'année d'avant, on faisait House of Laureen, le cabaret, mais Fierté nous a aidés, puis on a amené Disasterina à Montréal avec eux. L'année avant l'inception de COVID, par exemple. Bon. Mais bon, je ne sais pas ce que j'ai le droit de dire, puis je n'ai pas le droit de dire, fait que je vais rester vague en étant précise. Come on, Tamisha! Ouais, c'est ça! Vous faites mes high tops la semaine prochaine. Oui, il va y avoir un COVID qui s'en vient. Ça va peut-être être pendant Fierté. Ça va être excellent. J'ai déjà mes artistes de planifier. J'ai déjà plein de choses de confirmer. C'est vague, ça. Une chance qu'on reste vague. It's going to be real exciting! Puis, Church, Parce que là, c'est ça, pour les gens qui nous écoutent, là, si jamais vous n'êtes jamais sorti de chez vous et vous n'avez pas eu accès à Internet depuis 1995, Selma, son show mensuel s'appelle Coven. Uma, son show mensuel s'appelle Church. Et souvent, bon, les deux travaillent en équipe, là, c'est pas. Mais c'est les shows mensuels. Est-ce qu'on. Church, moi j'ai hâte, là. Je veux des dates. Je veux. 2 juin. 2 juin. C'est ça. Voilà. Une date. Daniel. Get the fuck out. 2 juin. Voilà. Non. Church, c'est sûr que ça va revenir. C'est toujours un grand plaisir de le faire. Et puis, j'adore ça avoir mon. Tu sais, les soirées de Drag Race que j'anime sont toujours incroyables parce qu'il y a 3000 personnes dans le bar. Tout le monde crie, ouais. Tout le monde est là pour s'amuser. J'aime ça beaucoup. Mais Church, c'est mon moment privé avec mes préférés. Alors, si vous êtes là, vous êtes un des préférés. Si vous n'êtes pas là, ben, vous avez la chance d'être un préféré la prochaine fois. Voilà. Voilà. Mais c'est ça, ça va revenir. C'est juste pour l'instant. On a notre pièce de théâtre qui s'en vient, on a Why God Why, on a Fierté qui s'en vient. Alors, je priorise les autres spectacles parce qu'en ce moment, on ne sait pas quand les bars vont être ouverts. Ouais. Quand, est-ce que ça vaut la peine de faire un autre spectacle avec toutes les restrictions et blablabla pour savoir 2 jours d'avant que ça va fermer? We're going to wait for a second. Ouais, parce que la réalité, ce que les gens faut qu'ils comprennent dans tout ça, c'est que nous, souvent, nos productions, c'est des productions indépendantes. Tu sais, quand moi, je fais Coven ou on fait Church ou on fait souvent nos pièces de théâtre, on n'est pas payé par le bar ou le festival. Je suis payé par les gens qui nous donnent de l'argent pour acheter des billets ou qui donnent du tip, etc. Fait que moi, je prends un risque financier à chaque fois que je fais un spectacle. J'invite, tu sais, Coven, c'est entre 7 et 13 artistes au total. Fait que si j'invite 13 artistes à venir faire un show avec moi, d'un coup, ils disent « Ah, ben vous pouvez juste avoir 25% des gens dans la salle. » Ben là, tu sais, moi, faut que je paye mes artistes. Fait qu'il y a aussi le côté pratique de la chose. Fait que moi, je veux attendre un petit peu, juste voir la réouverture va se faire tranquillement. On va reprendre le beat, voir comment ça se passe. Puis après ça, ben là, on pourra organiser un show. Que ce soit un show semi-virtuel, comme COVID, le dernier qu'on a fait, était semi-virtuel, était en personne aussi. On avait une salle de 45 billets, plus je faisais un live stream du show en ligne. Fait qu'il y a des possibilités. C'est pas les manques d'idées ou d'imagination qui nous tournent là. C'est juste de bien planifier la chose. Fait que moi, je veux juste attendre qu'on voit, qu'on fasse la réouverture. Puis après ça, aussi, pas get the hopes up pour les artistes. C'est leur dire, oui, on fait un show. Puis là, d'un coup, on le fait pas. C'est épuisant pour les artistes de se faire tirer le tapis en dessous du pied, des pieds tout le temps. Là. Fait que je veux juste... Ça fait un an que c'est ça. Là. Fait que c'est assez. C'est là. Ça. Puis il y a aussi pas juste Coven puis Church. On a aussi nos Divine Brunch. Divine Drag Brunch. Oui, c'est vrai. C'est le dernier show que j'ai vu en vrai. Avant qu'on ferme tout puis que la pandémie embarque, c'était un brunch. Il y avait Lactatia, Abby Long, Uma Pselma. On était. C'est au KGB? Oui, ça, on fait au KGB. Puis après ça, pendant la réouverture, la réouverture qu'il y a eu, il y a une petite réouverture qui s'est faite, on a refait une autre édition au Robin des Bois, qui est un restaurant à but non lucratif. Donc, qui a un peu plus d'espace, qui c'était plus facile de faire justement le spacing qui respecte les restrictions et tout. Puis c'est un super beau restaurant avec la bouffe est excellente. Pas que le KGB est excellent aussi. Ça, je ne veux pas enlever rien au KGB. Oui. La bouffe du KGB est excellente. Mais le Robin des Bois nous offrait une scène avec un peu plus d'espace entre les tables. Fait que pour nous, c'est plus sécuritaire. Oui. Fait que, on va continuer au Robin des Bois à faire les Divine Brunch pour que justement les gens aient de la place. Puis que c'est assez accessible aussi. T'sais, c'est au premier niveau, les personnes à mobilité réduite peuvent venir voir le spectacle. C'est accessible, c'est le fun, on adore. Puis aussi, on a trouvé une autre place ça a bien tombé parce qu'on a trouvé une autre place qui était encore dans nos valeurs parce que c'était un restaurant au but non lucratif, puis ça aide plusieurs organismes. Alors, tu sais, il y a toujours le côté communautaire derrière nos spectacles qu'on aime. Ouais, parce qu'on aimait le KGB justement parce que c'est une coop queer, avec ça, on tripait à fond. Oui. Fait que de faire la transition, ça peut être un choix facile, c'est un choix qu'on n'a pas eu le choix de faire à cause de la pandémie, justement. Parce que le KGB, c'est petit, fait qu'il n'y a pas grande place. Non, mais c'est ça, c'est juste que pendant la pandémie, tout a changé, fait que là, on a besoin d'un plus grand espace, parce qu'effectivement, pour les gens qui nous écoutent, le KGB, même s'il n'y a pas un show, aller déjeuner là-bas, c'est super bon, c'est super cute comme place, moi j'adore. Puis le monde là-bas est assez fin, c'est effrayant. Fait que c'était notre moment promo. Je fais un petit rappel. Why God Why, c'est le 5 juin à 9h30. C'est online. On se rappelle qu'il y a le show... je vais appeler ça Illusion parce qu'on n'a pas encore le nouveau nom du show, mais il y a le show Illusion qui va être animé par Oh My God. Surveillez, évidemment, le retour de Coven, le show de Selma, le retour de Church, le show d'Uma, Le retour des drag brunch, ça s'en vient. Garochez-vous ces billets quand ça va sortir. Payez le double du prix, je vous en supplie. Et très bonne idée. Sur ce, on va. Oui, tout le monde paye le double. On se cotise en gang. Pis... Alors, moi, j'ai bu trop de café. Je vais aller dire Virgin Bloody Mary 3 fois dans le miroir pour voir si je peux pas me pogner un petit mocktail. Ouh. Et on vous revient quand même trop caféiné. OK, alors j'ai fini mon Virgin Bloody Mary et on est de retour. Overcaféiné, mais sans hangover. C'est quand même le fun. Ça se prend bien. Voilà, ça paraît dans ma voix, j'ai du fun. Voilà. Alors là, qu'est-ce qui se passe? On se fait tirer au tarot. Mais hein, qu'on se fait tirer au tarot. Ah oui, on se fait tirer au tarot. On est dû, esti. On est dû. Ça vous tente-tu, les gars? Oui, je vais sortir mes bâtons, puis... Tes épées, puis... En fait, je ne les sortirai pas parce que je les ai enlevés du deck, OK? Là, on va vous tirer au tarot comme on ferait pour le spectacle, à peu près. À peu près, là, OK? OK, OK, ouais, ça va nous donner un petit vibe. Parce que là, ce qui arrive, alors... c'est qu'on le fait en français. Fait que ça va être un petit peu différent du spectacle. Parce qu'on est au Québec. Oui, c'est vrai, parce que... Oui, c'est ça. Au Québec, c'est... OK, nos cartes. Les cartes qu'on a sont littéralement, check, sont aussi grands que ma tête. OK, ils sont immenses. Oh my immenses. God, for real, hein? Mais écoute. ASMR. ASMR. Yes, girl, yes. You're not going to be able to hear anything. Let the cock destroyers. Today, you're going to have a good day. Vous allez gagner le loto. Best tarot session ever. Voilà. That's a wrap! Voilà, that's the end of it. Non, OK, alors je suis en train de brasser les cartes. Puis là, on utilise les cartes d'Arcana majeur parce que c'est des cartes qui représentent des archétypes, justement. C'est des cartes qui représentent des énergies majeures dans notre vie ou des personnes même, parce que les cartes peuvent aussi représenter carrément des personnes, des entités externes à nous. Arcana majeur, free drag name. Please welcome to the stage, Arcana majeur. Ça doit déjà exister. Ça se peut pas que ça existe pas déjà. Ça se peut pas. Il y a quelques Tarot cards. Okay. Ouais, quelques. Ben, ouais, bon. Malheureusement, les drags, tu sais, on est drôle, mais on n'est pas nécessairement original, OK? Et ça, c'est quelqu'un qui a un nom qui existe ailleurs aussi. Il y a une raison pourquoi je l'ai écrit. Ah oui? Ben, il y avait une sœur de la perpétuelle indulgence qui s'appelait Uma Gawd, G-A-W-D. Who that? Bien... Where is she? C'est quoi son adresse? Je l'ai bien googlée. Je l'ai bien googlée, puis elle n'existe plus, mais elle était là au début. Keep your enemy close. Et puis, il y a une autre... Uma qui reste vague, qui est comme, elle n'existe plus. Elle a disparu de la map dans des circonstances nébuleuses qu'on saurait reporter. On vient enfin de devenir un podcast de true crime. Regarde! Je suis content que j'étais capable de faciliter votre transformation. Voilà. Ouais. OK. Alors, mais c'est ça. OK, alors, on a choisi une carte. Mais avant qu'on... Avant. Avant. Avant qu'on vous tire la carte, on va vous dire pourquoi on vous tire une carte. Ah, OK, oui. Ah, ben oui. Je veux dire, d'avoir un peu d'intention derrière ce qu'on fait, ça l'aide. Ah, pour le plaisir, sacrement. On peut-tu arrêter de te casser la tête? Moi, je fais rien pour le plaisir, OK? Je fais tout pour le cash. Okay. Ah. Elle fait tout pour le cash. Work, mama. OK, baby. OK, all right. Ah, on va vous tirer une carte, OK? On ne vous fera pas un read compliqué parce que, tu sais, vous comprenez. Oui, mais ça, on a besoin de... Oh my God! On vous tire une carte parce que c'est la carte qui... c'est une carte qui va vous aider à vous guider dans les moments à venir. OK? Fait qu'on a l'intention qu'on a brassé les cartes, là. C'était de trouver une carte qui va vous guider, qui va être votre guiding light, votre inspiration. Gardez en tête quand vous affrontez le monde devant vous dans le futur. Ils nous ont regardé puis ils étaient comme « These bitches are lost. Let me show them the way. Ils ont besoin d'être alliés. » Ils ont besoin d'aide. Là, ça te râle dans le beurre, là. On sait pas, ça va pas, là. OK. Moi, ma seule carte que j'ai qui gère mon futur, c'est ma carte de crédit puis ça va pas, là. Fait que... alors, on espère que celui-là, ça va t'aider un peu plus. Alors, on a tiré une carte et c'est... The Fool! Ah! Quelle surprise! Comme nous, on aime l'appeler la folle! Ça tombe. La folle! I mean appropriate. Le genre, c'est quoi? Ouais, ouais. Alors, nous voyons ici sur la carte une personne très habillée très flamboyamment. Flamboyamment, wow! C'est oui. Un vrai mot maintenant. Oui. Ça l'a toujours été? Oui. Oh, cool! Oh! Oui. OK. Alors, très bien habillée, avec une petite sacoche sur une pole, sur l'épaule, et un petit chien. Yeah, bag, OK. Un petit chien. Et il est en train de se promener Sur le bord d'un précipice, OK? Donc là, pour ceux qui connaissent le tarot, vous savez ce qui s'en vient. Pour ceux qui ne connaissent pas le tarot, Uma vous a décrit un peu l'image, OK? Fait qu'on a la personne qui se promène avec une fleur dans les mains, un petit baluchon, puis un petit chien à ses pieds, puis elle va marcher sur le bord d'un précipice. Ah, mon Dieu! Mais... Ben oui, là, je suis comme, c'est ça notre avenir? Ben non, c'est à garder en tête pour votre avenir. OK, on garde ça en tête. Ce qu'il faut comprendre de cette carte-là, là, c'est que cette personne-là, elle n'a pas peur du précipice parce qu'elle ne voit pas. La folle de fou, c'est le début d'une aventure. C'est la personne qui part sans se soucier de ce qui s'en vient, sans avoir d'appréhension, sans souci, justement, qui s'en va, qui va juste explorer et apprécier le moment présent. Là, ici, on voit le petit chien. Mais le petit chien essaie de l'avertir que « Hey, tu aurais peut-être regardé où est-ce que tu t'en vas, ma folle, parce que tu vas tomber. » Mais la folle, elle ne s'en fait pas avec en ce moment. Et dans le moment présent, elle apprécie le soleil qui caresse son visage. Elle explore le monde qui s'en vient vers elle. C'est un état d'insouciance. C'est un état de jouissance, de plaisir, justement, de découverte. Enfin, c'est ça à garder en tête le moment. C'est de... Peut-être des fois, il faut sauter les yeux fermés. Il ne faut pas avoir peur de prendre un risque, de voir où est-ce que ça va aller. C'est ça que j'allais dire. Elle n'a pas le choix d'être dans le moment présent parce que si elle marche sur le bord de la falaise, il n'y a pas de moment futur. Là. Mais aussi, le chien, pour te rassurer un peu, le chien est aussi une espèce de guide. Tu sais, les enfants qu'on voit souvent qui se promènent vers la rue, puis il y a un chien qui vient juste l'accoter comme pouf! Puis l'enfant ne réalise même pas ce qui est arrivé, il est juste en train de marcher, tout va bien. Ben, c'est ça que le chien... Un petit moment lassie, là. Ouais, c'est ça, exactement. Alors, vous avez quand même un lassie dans votre vie qui, même si vous n'êtes pas au courant, est en train de vous guider pour éviter la falaise, mais qui te permet d'aller plus loin que si vous étiez chez vous en train d'avoir peur de la tempête, la falaise, tout ce qui est autour de nous. Ah, fait que là, moi, ce que je comprends, c'est qu'il faut qu'on jump par en avant. Oui. Pour l'instant, là, c'est ça qu'on garde dans la tête. Et garder l'optimisme. Mm-hmm. Il faut être positif dans la vie. Hey, en tout cas, moi, la joie. Jess, insouciante et optimiste, on aura tout vu en 2021. Hein? J'ai hâte de voir ça aussi. Comme j'ai dit, c'est pas la carte de son futur, c'est ce qu'il faut qu'elle garde en tête. Fait qu'elle fera un travail fort. Okay. Attends un peu, là. Je me concentre. Les gens me voient pas, mais je suis bien concentré. Give it a try. Mais là, ça signifie quoi tout ça? Non, mais attends, mais give it a try. Sois positif. Ah oui, j'ai. Ah oui, je le sens bien. Oui, je le sens bien. OK. I'm in it. Même pas de preuve, mais c'est correct qu'on te croit. Mais, tu sais, moi, je trouve ça intéressant. Je suis heureux qu'on a tiré ça pour vous parce que, comme tu dis, t'es le Virgo incarnate. Puis le Virgo, c'est la chose la plus loin au monde du fool. C'est littéralement comme l'opposé d'une personnalité Virgo. C'est peut-être de justement... Moi, je fais pas deux pas sans checker une falaise. On prend plus de chance. Sans avoir vérifié la carte avant de sortir de chez vous pour voir s'il y avait peut-être une falaise qui allait arriver un jour sur ton chemin. Alors, après l'année qu'on a... De toute façon, quand j'ai peur qu'il y ait une falaise, j'envoie Charlie. Puis lui, il est juste comme « Let's go! » Yeah! Mais... Avec l'année qu'on vient juste de vivre ensemble, tu sais, où est-ce que tout doit être calculé, tout doit être prévu, tout est dans notre tête, on est en train de regarder nos mains parce que qu'est-ce que j'ai touché, qu'est-ce que je vais toucher, blablabla. Ouais, c'est ça. Alors, la folle pour cette année, c'est de garder en tête le fait qu'il y a un ciel devant nous, il y a un horizon plus loin qu'on peut avancer, garder ça positif. Like, just be happy that you're out in the world again. Aussi, c'est quelqu'un qui commence un voyage. Alors, lancez-vous dehors. Go touch grass, kids. I'm done with that. vraiment dans l'exemple. Moi, j'aime assez ça brouter dans l'herbe, là. Fait que go. Sacrement. Hey, je pense qu'on n'a jamais eu un beau message d'espoir de même sur Deux Fifs le matin. Puis c'est la dernière fois. Hein? On vous annonce maintenant que le podcast est annulé. C'est ça. On les a donné le contrôle 2 secondes. On les a dit, tirez-nous une carte. On a eu des bons messages d'espoir. Là, ça ne reviendra pas. Profitez-en. Là. Oh my God. Retour au programme principal, le cynisme. La semaine prochaine, c'est Chantal Lacroix et Sonia Vachon qui animent Deux Fifs le matin. On change de brand. C'est ça. Ah, tu voulais pas Marie-Chantal Dupin? Ça va s'appeler. Oh my God! Mais tu peux pas être en caps lock sur un podcast. Non, c'est ça. Est-ce que c'est un challenge à Uma, ça? Je suis une theater girl, je sais comment projeter, là. Elle peut parler en caps lock. Ouais. On devrait l'inviter, Marie-Chantal Dupin, puis pas y dire pourquoi. Maman. Not that mess. Moi, je suis juste comme là, je vois pas une manière où ça pourrait se passer comme du monde. On donne pas une tribune à Marie-Chantal Dupin. Je veux dire, on s'est fait dire d'avancer, d'aller dans l'aventure, là. T'écoutes pas, Charlie, là. T'es pas réceptif? Ouais, je sais, mais je la vois la falaise, là, pareil. Il me semble qu'elle est claire. Il me semble qu'elle est claire et elle creuse, là. Ça va faire mal, là. Every hole is a goal. Bon. Hey, c'est-tu déjà tout pour notre premier, pour l'épisode 0? De la première, troisième saison de Fifi le matin. Ouais, c'est comme notre espèce de Roi Lion 1,5, là. Tu sais, quand ils ont fait ça. Je me rappelais pas de ça! Ben, avec raison. Moi, j'ai hâte d'entendre votre chanson. Notre chanson? Ben, tu dis le Roi Lion 1,5, il y a une chanson, c'est sûr. It means no worries. Hakuna Matata, the fool! Voilà! Ah! Tout est relié. Ah, mon Dieu, là. It's turtles all the way down! Après ça, venez nous dire que c'est pas une science. Venez nous dire que c'est pas une science. Ben, c'est ça, en tout cas. Chris, on n'a rien inventé. Ouais. Eh ben, c'était déjà tout. Je suis plus capable. J'ai les larmes aux yeux. Fait que là, c'est un épisode promotionnel, fait que je vais le répéter une autre fois. Vendredi, le 5 juin, le show Why God Why. C'est bien ça, c'est samedi, le 5 juin. Jeudi, le 5 juin. Parce que c'est en 2021, hein? Fait que ça reste un samedi. Oui. Le 5 juin. Peu importe quel jour de la semaine. Voilà. À 9h30. Le soir. 21h30. Le soir. Ouais. 9:30 p.m. Donc, la semaine dernière avait lieu le show Why God Why. Oh my God, this is the worst promo we've ever gotten. No, no, it's not. That's the worst part. Remember you did Lady Gaga on the show? You didn't do Lady Gaga? Oh, we said that. Oh, mon Dieu. Oh, mon Dieu. Hey, c'est chiant, ça, promettre à des tapettes que tu vas faire Lady Gaga, puis finalement, ça se passe pas. Non, mais c'était pas ma faute. C'était quelqu'un qui est venu voir le spectacle en disant que j'ai fait un très bon réédition de, Adele. De Adele, puis j'ai fait Lady Gaga. What? Mama. Anyways. Oh my God, that was a straight guy. C'était quelqu'un de straight, ça, c'est sûr. Oh, ça oui. OK, on recommence. Non, mais pas. On recommence. On recommence. Donc, le spectacle Why God Why se produira sur les internets à 21h30, donc 9h30 le soir, le 5 juin. Le 5 juin. D'ailleurs, ça reste à confirmer, mais suivez-nous sur Instagram, Deux Fifs le matin, parce qu'on va avoir des billets à faire tirer. On a parlé avec le festival, puis on va faire un giveaway. Ouh. Tant qu'à faire de la promotion, on fait de la promotion. Ça a quand même calé, on est hein? Pas là, nous autres, dans la vie. Folle de même. C'est folle de même. Fools! Sinon, restez, gardez l'œil ouvert pour le show Church Coven, le Divin Brunch, bien sûr. Allez les suivre sur Instagram pour savoir qu'est-ce qui va se passer. Vous avez 3 choix et vous devez tous les prendre, tous les follow. Il y a House of God, qui est la page commune de Selma et Uma God. Je vous rappelle que God, c'est G-A-H-D, HD comme une TV HD, haute définition. Vous pouvez les suivre individuellement. Selma God, S-E-L-M-A, OK, ça va. Uma God, U-M-A, hein? Ça va. God, G-A-H-D, voilà. Suivez-les sur Instagram. J'oublie de promote de quoi? Nous, de notre côté, on s'en vient avec une saison. Tranquillement pas vite, hein, Charlie? Tranquillement pas vite. On va vous drop ça, Virgo season. Vous allez voir, Jess, ça va pas dans l'heure, elle va être intolérable. Ça va être l'enfer. Ça va être l'enfer. C'était tout pour notre émission de cette semaine. Merci d'avoir été avec nous. Vous pouvez nous retrouver sur tous les médias sociaux qui ont d'ailleurs en tapant 2 fifs le matin. Le chiffre 2, fif avec un X à la place du I parce qu'on ne veut pas se faire shot down par la police des mœurs. Puis le matin, tout en un mot. N'oubliez pas de nous mettre 5 étoiles partout où vous écoutez les podcasts. Commentez, on lit toutes les reviews. Oui, c'est ça, allez-y fort. Voilà. Uma Selma, merci 1000 fois de nous avoir restarted. Merci ça pour l'invitation. C'était notre première sortie de groupe depuis très longtemps. Puis c'était très agréable. Yes! Puis en plus, que j'allais dire? J'ai oublié. Fait qu'il n'y a pas de « en plus ». Merci de nous... Oui, c'est ça, j'allais dire. En plus, on était mortes, puis c'est des dieux qui nous ont ressuscités. Fait que moi, ben je trouve regarde. Que... Makes sense. It just makes sense. Sinon, les moons, on est à On dira ce qu'on voudra, nous autres, moi puis Charlie. C'est quand, donc? C'est mercredi? Mercredi. Le 2 juin, à 2h de l'après-midi. Yes. Ça sort plus tard, ça sort à 8h30, mais on enregistre à 2h de l'après-midi, le 2 juin. Voilà, fait que manquez-nous pas. C'est le 2 juin pour vrai. Oui, c'est le 2 juin pour vrai. Moi et Charlie, on va parler d'œuvres qui traitent du VIH-SIDA. SIDA, pardon. C'est tout ça qu'on fait? Oui. Ouais, SIA la chanteuse. SIA la chanteuse, oui. You're in bed with the CIA? Oui. Cet épisode a été enregistré en la mémoire de Umagad avec un W. On organise une battue dans le bois de Steinberg pour retrouver ce qu'il reste d'elle pour remettre ça à sa famille, si vous voulez être là. Je pense qu'il n'y a pas de meilleure conclusion. On se revoit, j'allais dire à la semaine prochaine parce que c'est ça qui est écrit dans mes notes, mais non, pas à la semaine prochaine. À bientôt, les moons. À très bientôt. Bye! Oh my god, je peux pas vraiment le ramener parce que là, on était rendu trop loin dans la discussion pour un tailleur, mais je pense qu'à un moment donné, quand tu parlais des religions, tu étais comme the main three. Puis là, ça sonnait vraiment comme oh my god, can you believe? Genre, le bouddhisme l'a fait, made it to the top three. Moi, quand l'hindouisme a été éliminé par genre le catholicisme dans le dernier lip sync, là, I could not believe it. My jaw dropped. Oh my god, when Jainism did that reveal? When Scientology pulled her wig back and she was a cult the whole time? Oh my god!